your mouth, out your mouth, yeah. I think I saw your mommy, yeah. Yo, eh, ah, 10 kilometers, Fiji, me sana na ubuendat. Gene fence in a petty car, belt 20 vodka. Poor woman losing dana in ya negre. Bagbi subastra, dan alin in a duo, ce soir, c'est Eden Nuba. La nuit des temps, Radio Duo. Okay, now let's just take a really deep breath, just to let all our soul out, and let's be spiritual with this. Ready? Imagine that we're floating in midair. We have wings like birds. The colors of the sunset are all around us. It's a beautiful day. Okay, I would like to take the time to do a little. Into the 1980, David Byrne travaille avec le producteur Brian Eno et il se place sous la haute protection du dieu Afrobeat. Ils en sont fous dingues et enregistrent pendant des heures des sessions de percussion. Ils fabriquent des boucles magnétiques et il y a même Robert Palmer, le chanteur et musicien, qui les a rejoints pendant quelques-unes de ses heures passées en studio. On vient d'écouter Once in a Lifetime, un classique de la dance au relent psychanalytique et qui nous porte avec les Talking Heads sur les rives contemporaines maintenant des rythmes complexes avec la DJ Paula Tape. Bienvenue en 2023. Paula Tape et nous sommes à Santiago. International de la danse. Thank you. mais tropical. Abençoado por Deus e bonito por natureza. Fevereiro, fevereiro, tem carnaval. Tem carnaval, tem um fusca e um violão. Sou Flamengo, tem uma nega chamada Teresa. Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. É fevereiro, fevereiro, tem carnaval, tem carnaval. Tenho um fusca e um violão. Sou Flamengo, tenho uma nega chamada Teresa. Sambaby, sambaby, posso não ser um band leader, pois é. Mas lá em casa todos meus amigos, meus camaradinhas me respeitam, pois é. Essa é a razão da simpatia, do poder, do algo mais e da alegria. Por isso eu digo é que moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Tem carnaval, tem um fusca e um violão. Sou Flamengo, tem uma nega chamada Teresa. Sou Flamengo, tem uma nega chamada Teresa. Eu sou Flamengo e não disfarço de ninguém, mas em cinco brasileiros, seis fãs do Flamengo tem. Laetitia Sadier a fait des études d'anthropologie à l'université de Nanterre à Paris. Mais surtout, elle fait de la musique et elle a rencontré lors d'un concert parisien l'anglais Tim Gane dans les années 80. Coup de foudre amoureux et musical, ils formeront ensemble l'un des groupes pop les plus influents des années 90, Stereolab. Rythme fou, musique répétitive, influence 60s, dance floor et voix glacée. Stereolab a enchaîné les albums comme autant de perles expérimentales, mais toujours, toujours, toujours dansantes. Souviens-toi des vacances, vacances de la petite, qui cherche ressemblance à la grande bourgeoisie. Par quelles différences peuvent-elles se distinguer? Leur torture sans prudence. Voici Stereolab, nous sommes à Paris en 1997 et c'est notre powerplay de la semaine.

everybody wants the same thing. Be in control is the main thing. It's been a give a little show, yo. Dance like nobody's watching. Sing like no one is listening. We can do it all day, all night if you say. Everybody wants the same thing. Be in control is the main thing. Oh yeah, yeah baby. Omar Lightfoot, qui est né le 14 octobre 1968 à Canterbury, c'est du côté du Kent, en Angleterre. Il est le fils du bassiste et batteur jamaïcain Byron Lee, qui a accompagné rien que moins que Bob Marley, Sam Cooke, Johnny Nash ou encore Ray Charles. Et puis il avait fondé, ce papa, le label Congo Records dans les années 80. Le fils, lui, Omar, eh bien, il eut sa période de gloire en signant sur le label Talking Loud de Gil Peterson. Et nous étions à ce moment-là entre l'acid jazz et un certain génie du groove, aujourd'hui un petit peu oublié, mais qui ne demande qu'à réapparaître sur le devant de la scène. Nous sommes donc à Londres en 1997. Et vous écoutez Omar avec Courtney Pine. International de la danse. Thank you. le ciel? Ah, le ciel! Bah, je pense que ça sert à... comment dire? À mettre... en fait, à séparer les... la Terre à l'espace... L'Éden, Adam, Adam et Ève. Tout débute seul dans les buts, Adam. Les animaux, c'était pas mal, mais bon, voici Chagrin d'amour. Eden nous bat, nous sommes à Paris en 1982. Et dès nous Vous l'avez senti passer, ce paradis, et en direct de cette nuit d'été. Une nuit d'été pour un Eden Nouba, comme le racontait Chagrin d'amour au virage des années 80. Comme quoi, avec cet album assez fantastique, il n'y avait pas que chacun fait ce qui lui plaît. Mais comment, c'est déjà fini ? Ah ben on va faire le tour de piste de toutes celles et de tous ceux que nous avons croisés sur la piste, sur le dance floor de la nuit des temps ce soir. Il y avait un autre duo français que nous avons accueilli. C'était Stereolab en powerplay cette semaine avec ses influences soniques qui continuent à parcourir la pop des années 2020. Il y avait également Dali Monga, vite enchaîné avec les papes et les papis des Talking Heads. La tape qui n'en finit pas de mettre le feu avec ses sets partout autour du monde, ses sets de DJ. On a également écouté Wilson Simonal qui aurait presque le nom d'un joueur de tennis. Bah non, simplement il fait de la musique, et de la musique depuis le Brésil. Le fameux Jacques avec sa pop excentrique et généreuse, comme on aime, ou encore Shy Girl. Omar, qui a ressurgi des soirées acid jazz des années 90 dans un Londres, à l'époque fort groovy. Et pour suivre l'aventure, ne pas fermer la porte notre club à la sauvette, deux petits bonus pour clore cette soirée, il y aura entre autres LCD Sound System. Vous le savez maintenant, toute la programmation et les podcasts de la Nuit des Temps sont sur le site internet de Radio Duo ou sur Instagram à la Nuit des Temps 2. Il est temps de vous souhaiter une belle et longue nuit sur les ondes de Duo. On se retrouve la semaine prochaine. Salut !En bonus, LCD Sound System et Bombay Bicycle Club. back to you.